Metal Express avec Eric. Amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, salut les fans, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. Je rappelle que vous êtes sur Radio Heavy Metal, Fréquence Zik, Indé Spirit et Radio Bourrin. Ce soir donc dans le Metal Express, il y aura pas mal de choses. Il y aura de la nouveauté évidemment, il y aura quelques titres que je passerai de 2017 à 2016 et également quelques morceaux que j'ai sortis de mes placards, des vieux petits trucs bien sympas. Je remercie également au passage toutes les personnes qui m'ont encore contacté cette semaine, ça a été énorme. Franchement, vous êtes excellent parce que depuis quelques temps, j'ai que des messages. Vous pouvez y aller si vous voulez passer à l'antenne dans le Metal Express ou bien sur la radio Heavy Metal, n'hésitez pas à nous contacter. Vous passerez à l'antenne sans problème. Je rappelle au passage que cette émission maintenant, elle est enregistrée, donc elle repassera le lendemain. Je la mettrai donc sur la page Facebook Radio Heavy Metal. Ça vous permettra de la réécouter si vous avez envie de vous faire plaisir. Je ne sais plus si j'ai cité les autres radios qui nous diffusent, alors je vais la redire. C'est Radio Fréquence Zik, Indé Spirit et Radio Bourrin. Allez, on va pas perdre trop de temps maintenant. On va commencer avec trois grands groupes. On va commencer avec Annihilator, avec Twisted Lobotomy. Ensuite, avec le nouvel album de Anvil, avec le morceau Bitch in the Box. Et Body Count avec Civil War. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Yeah. Computer voice, emotion free. Where to go and where to be? She keeps talking, take a detour. Construction zone, there is no map, I'm on my own. Machine. Recalculating. Recalculating. Recalculating. This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Firearm or any item or instrument that can be used as a weapon will be deemed an enemy of the state and will be arrested on site. UN peacekeeping garrisons have severed all data transmissions and telephone communications for national security. Any violation of martial law will result in immediate arrests and trial for treason. All traitors will be shot. America is now engaged in civil war. It's already started. May be too late to stop. It's already on. They're shooting at cops. They're pushing the line. Racism is high. The country's divided. You know the fuck why. The press up the pull and pushes the truth. The public is dumb. Delusional youth. Our leaders are evil. Lie after lie. The public is armed and ready to die. We'll be right back. shooting back. Which side you on when this shit pops off? Black or white, wrong or right? Rich or poor, urban war, this shit might just jump off tonight. Which side you on when this shit pops off? Black or white, wrong or right? This shit is true. Coming soon to a town near you. Premier Annihilator avec Twisted Lobotomy, extrait de leur 15e album intitulé For the Demented, sorti en 2017. Ensuite, on a eu Anvil avec Beach in the Box, cet extrait de leur nouvel album qui est sorti le 19 janvier. Donc, l'album s'intitule Pounding the Pavement. Et à l'instant, donc, on vient d'écouter Body Count avec Civil World, extrait de l'album Bloodlust, sorti en 2017. Allez, voici maintenant Wizard, et le morceau s'intitule White Wolf. Yeah. cannot live in your world. Also, I miss you. It's all they live for. I want more. Oh, in your world. In your world. Lots and tears. I want more. Oh, in your world. In your world. Lots and tears. Voilà, donc le groupe s'appelle Wizard. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle White Wolf et c'est un groupe de power metal allemand. C'est vraiment excellent. Allez, voici un groupe qui s'appelle Red Eleven. It doesn't have to be easy. I need to hold my grip. Voilà, donc le groupe s'appelle Red Eleven avec le morceau Again. Ils viennent donc de sortir leur EP il y a environ 2 jours. C'est un groupe finlandais et ils ont également une page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like fait toujours plaisir, comme je dis toujours. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici un groupe qui s'appelle Crawling Manifest et ce morceau s'intitule All of the Gods. Bonne écoute dans le Metal Express. Oh, Voilà, du très bon mélodique death metal. Le groupe s'appelle Crawling Manifest avec le morceau All of the God. Ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour. Ils sont également sur SoundCloud et également vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. Allez, voici en attendant Sopsperia avec Void. C'est une nouveauté. Voilà, l'album s'appelle The Lyricist, le groupe s'appelle Suspiria, c'est sorti le 16 mars donc, et le morceau qu'on a écouté à l'instant s'appelle Void. Voici une découverte radio heavy metal. Allez, voici Dark Revengers, ça s'appelle Fight. C'était le groupe Dark Revengers, un groupe de heavy metal, donc années 80, quoi, on va dire, fondé en septembre 2016, venant de la région parisienne et région centre. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Ils vendent des t-shirts, les CD, etc. N'hésitez pas à y aller et un petit like fait toujours plaisir, comme je dis toujours. Allez, en attendant, voici un groupe qui s'appelle Varsovie, c'est français. Il n'y a pas très longtemps que c'est sorti et on écoute le morceau « Le lac ». La pluie d'hier tourne à l'acide. Décor, façade, false story clos. Sans tes œillères, sans regard faux. Fourrière intime pour te cacher. Qui perd ta trace, qui perd son temps. Ce temps entraîne à faire briller. Règle en faille sur les réseaux. Mais pour la viande elle a rosé. T'es pas en lac où je t'invite. J'attends tes bras, j'entends des cris. Tu prends tes marques, je prends la suite. Quel miracle à ton avis. Du fond du lac où je te crie. Le faux contact s'entend le cri. Mauvais départ, mauvais esprit. Je fais des vagues avec la nuit. Voilà donc à l'instant dans le Metal Express, le groupe Varsovie. Ils sont grenoblois et le morceau qu'on a écouté, Le Lac, est extrait donc du single de leur futur album qui s'intitule Coups et blessures, qui sortira donc le 11 mai. Allez, voici en attendant Iron Savior, ça s'appelle Force of World. Born in despair, hopeless, we will. super morceau donc de Iron Savior, le titre qu'on vient d'écouter, pardon, s'appelle For the World, c'est sorti l'année dernière. From the tips of my fingers and under my skin. Allez, voici un groupe qui s'appelle Atlas, c'est un groupe finlandais. Donc cet extrait de leur single et ce morceau s'intitule Burn Right. Bonne écoute dans le Metal Express. Ce morceau s'appelle Birthright et le groupe finlandais donc s'appelle Atlas. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Yes, yes, rien de plus simple, faites comme David Slam qui nous a contacté, pardon, et il passe à l'antenne en ce moment. Voici Circles of Pain, bonne écoute dans le Metal Express. I'm watching the news on TV, lying on my bed. Information just showed me everything's going to fade. The world is going crazy, we all live on the edge. In every street of the city, you can feel the rain. I never look at the outside, I'm grounded in my home. Take a single step outside. Love is what Voilà, du très bon rock heavy, donc il s'appelle David Slam, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Circles of Pain. Il a une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, et il vient de Marseille donc... Il y a eu une petite erreur technique, mais ça arrive, c'est le direct. Voici en attendant Monsieur Blaze Bailey. Ça s'intitule Infinite Entanglement. You are the 0.1%. Je vous rappelle que vous êtes dans Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Space mission in the history of humanity. Nothing exists Ça finit comme ça, un peu bizarre. Monsieur donc Blaze Bayley avec Infinite Entanglement, un excellent album qui est sorti donc au mois de mars 2016 et c'est produit donc par lui-même, un excellent album. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et Heavy Metal sur Facebook. Et oui, oui, rien de plus simple. Vous nous contactez sur la page Facebook et vous passez à l'antenne. En attendant, voici Black Strike. Ça s'appelle Blackburn. Bonne écoute! Voilà, il crie comme ça et il finit comme ça. Le groupe s'appelle Black Strike avec le morceau Blackburn. Allez, en attendant, voici Abbasses avec une bonne reprise de Venom, ça s'appelle Warhead. Ah! Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici dans le Metal Express Dark Heaven, le morceau qu'on écoute, Divinity. Bonne écoute! Ils ont une page Facebook, donc le groupe s'appelle Dark Heaven et le morceau qu'on a écouté à l'instant, Divinity. Allez faire donc un petit tour sur leur page Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un petit like au passage fait toujours plaisir. En attendant, voici Black Bart. Ça arrive tout doucement. Allez, je vous donne le nom de ce morceau, ça s'appelle Tovarish. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà donc le groupe le Black Bart. Ils sont lillois, c'est du très bon heavy metal. Ils ont une page Facebook. N'hésitez pas à y faire un petit tour et un petit like, comme je dis toujours. Ça ne vous coûte rien du tout. Allez, ça s'appelle le Brimstone Coven avec le morceau Black Unicorn. Bonne écoute dans le Metal Express. Le groupe s'appelle le Brimstone Coven et le morceau qu'on a écouté s'appelle Black Unicorn. Ils ont une page Facebook, allez y faire un petit tour et vous pouvez également les écouter sur Bandcamp. Allez, voici en attendant Existence, ça s'appelle The Fall of Evans. Voilà, un excellent groupe français Existence avec le morceau The Fall of Events. Ils ont également une page Facebook et n'hésitez pas à y faire un petit tour. Allez, voici nos Australiens d'ACDC, ça s'appelle Play Ball. ACDC avec Playball, ça fait vraiment du bien d'entendre la voix de Brian Johnson. Je cherchais le mot. Allez, ce groupe s'appelle Hellfire, on écoute Hellmass Attack. We'll be right back. Voilà, le groupe s'appelle Hellfire et le morceau qu'on a écouté est Hellmas Attack. Allez, on poursuit dans le méchant. Le groupe s'appelle Nervosa et ça s'intitule Deception. Bonne écoute dans le Metal Express. Donc avec le morceau Deception, un excellent album, c'est extrait de l'album Agony, sorti en 2016, et elles sont brésiliennes. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà encore un très bon groupe. S'appelle Metal Church, Killing Your Time. Bonne écoute dans le Metal Express avec Eric jusqu'à 21h. Yeah. Voilà donc le groupe Metal Church avec le morceau Killing New Time. C'est extrait de l'album Eleven, donc sorti le 25 mars 2016. Allez, voici un groupe qui s'appelle Asiard et le morceau qu'on écoute, Ascension. Bonne écoute! Yeah! Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Et oui, c'est Metal Express jusqu'à 21h. Voici Crada. Ça s'appelle The Last Shelter in the World. Ce groupe s'appelle Crada et le morceau qu'on a écouté, The Lost Shelter in the World. Allez, maintenant on va écouter un autre groupe qui s'intitule Distance Defined avec le morceau Monument. Allez, il nous reste à peine 10 minutes. Yeah! Voilà, le groupe s'appelle Distance Defined avec Monuments. Vous pouvez les retrouver donc sur leur page Facebook. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici en attendant We Save the Dead. Et ce morceau s'intitule Trust. Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Donc le podcast, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de l'antenne, sera donc sur la page Facebook Radio Heavy Metal. Elle sera donc demain matin en ligne. En attendant, Metal Express sera rediffusé sur Radio Bourrin. Je cherche un peu. J'ai mes papiers sous les yeux, mais ils sont un peu loin. Donc, je disais que Metal Express, pardon, sera diffusé sur Radio Bourrin à partir de 20h jusqu'à 22h, 22h. Ça, c'est samedi. Et Fréquence Zik nous diffusera donc à partir de dimanche de 21h à 23h. Voilà. Alors pour les fans de métal, je vous rappelle que lundi prochain, ce sera donc le spécial Metal 80. Et oui, donc ça sera à partir de 19h jusqu'à 21h. Notez bien, le spécial Metal 80. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Il y a la boîte mail, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Il y a également la page Facebook, vous pouvez m'écrire, envoyez-moi des messages, je répondrai à tout le monde. Allez, moi je vais vous laisser avec Spike pour son émission Vampire Priest jusqu'à 23h. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi pour le spécial Metal 80. Allez, ciao! Bonne soirée! À toi, Spike!